de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que fabrique Sophie Kahl ? Des choses bien étranges. Elle fait l'artiste, c'est sûr, et l'une des plus célèbres dans le monde. Elle brouille les pistes, joue avec le faux et le vrai, fixe les règles du jeu. À quoi joue Sophie Kahl ? Quelquefois, elle se déguise, s'habille ou se déshabille en stripteaseuse, joue à la mariée dans une belle robe blanche ou devient femme de chambre dans un hôtel. Elle invite des gens à dormir dans son lit et les photographie. Elle dort en haut de la tour Eiffel et on lui raconte des histoires pour la tenir éveillée. Sophie Kahl se fait suivre dans les rues par un détective quand ce n'est pas elle qui suit l'inconnu qui passe. Elle fait des rencontres au hasard. Un hasard qu'elle convoque très souvent. Elle invente des histoires toujours. L'œuvre de Sophie Kahl, c'est sa vie, la vie. Les fils qu'elle tisse entre les lieux, les choses, entre elle et les autres. C'est des photographies, des livres, des vidéos, des performances, des installations. C'est toujours de l'écrit, toujours un récit. Autobiographique souvent, intime en apparence. Il y a des fantômes, des souvenirs, des disparitions. Il y a des traces, des indices. Tout a déjà été fait. Ce qui compte, c'est le style, dit-elle. Et Sophie Kahl, c'est un style. En 1984, elle était avec Michel Cohen dans l'atelier de création radiophonique. Sophie Kahl, d'habitude, on vous présente comme une photographe, mais on ajoute tout de suite que vous n'êtes pas une photographe comme les autres. Je sais que je ne me définirais pas comme photographe, mais je n'ai pas vraiment une définition à... Je ne suis pas écrivain non plus parce que... Enfin, je ne me vois pas comme écrivain. Donc, je ne sais pas comment décrire ce mélange. Enfin, il y a de la photographie, de l'écriture, des provocations, de la mise en scène. Aventurière. Oui, enfin. D'accord. C'est pas ça non plus, je crois. Non, mais j'ai dit que je ne savais pas. Il y en a qui appellent ça art narratif. Oui, c'est un art de la fiction quand même. C'est, oui. C'est... Ce sont des récits. Ce sont des récits. Par l'image et par... par le texte, ou et par le texte. Sophie Kahl, la filature et autres récits. Jeudi 16 avril 1981, 10h, je m'apprête à sortir. Un homme m'attend dans la rue. Il est détective privé. Il est payé pour me suivre. Je l'ai fait payer pour qu'il me suive et il l'ignore. À 10h20, je sors. Je trouve au courrier une carte postale du Mont-Saint-Michel. Je lis. Sophie, je pense souvent à toi. Vacances, beau temps, vacances. Je t'embrasse. À bientôt, Patrick. Le temps est clair, ensoleillé, il fait froid. Je porte des sneakers de daim gris, des bas noirs, des chaussures noires et un imperméable gris. En bandoulière, un sac jaune vif, un appareil photographique. J'emprunte la rue Gassendi et achète chez le fleuriste pour 8 francs de souci. Je pénètre ensuite dans le cimetière du Montparnasse et dépose les fleurs sur la tombe de Pierre V, 1910-1981. Je traverse le cimetière. Ce trajet, je l'ai quotidiennement répété, des années durant quand j'allais à l'école. Il me plaisait alors d'imaginer qu'il y avait un homme caché dans le caveau de la famille R, et que s'il survivait, c'était grâce à l'amour que je lui portais et à la nourriture que je venais scrupuleusement déposer pour lui sur la pierre. À la sortie du cimetière, côté boulevard Garquinet, j'achète Le Monde et Pariscope. À 10h40, j'arrive à la Coupole, 102 boulevard du Montparnasse, où j'ai rendez-vous avec Nathalie M. Je ne m'assieds pas à notre table habituelle, mais plus près de la vitre et commande un café crème. À 10h45, Nathalie M. me rejoint. Cela fait des années que je la connais, elle semble toujours aussi fragile. Elle est belle. Je ne veux pas que nous parlions de lui, de celui qui doit me suivre. Par conjuration, car j'ignore s'il est là. À 11h30, nous quittons la Coupole. Nathalie m'accompagne jusqu'à un salon de coiffure rue de Lambre. Nous nous embrassons sur le pas de la porte. Elle s'éloigne. C'est pour lui que je me fais coiffer, pour lui plaire. À 12h05, je quitte le salon de coiffure. Mes cheveux sont électriques. La jeune femme qui me tend mon imperméable me rassure. Dehors, ils vont se calmer. Je me dirige alors vers le jardin du Luxembourg. Je désire lui montrer les rues, les lieux que j'aime. Je veux qu'il traverse avec moi le Luxembourg où j'ai joué toute mon enfance et échangé mon premier baiser avec un élève du lycée Lavoisier en 1968. Je garde les yeux baissés. J'ai peur de le voir. 12h30, j'attends Eugène B., éditeur, au pied de la statue de Danton, carrefour de l'Odéon. 5 minutes passent. Mes yeux rencontrent alors, de l'autre côté du boulevard Saint-Germain, ceux d'un jeune homme d'environ 22 ans, 1m70, cheveux châtains courts et raides, qui sursaute et entame un brusque et maladroit mouvement de repli derrière une voiture. Je devine que c'est lui. Eugène B. arrive à 12h40. Il m'embrasse et m'entraîne à la terrasse d'un café à quelques mètres de là. 13h05, nous nous séparons. Je me dirige vers le Panthéon. Depuis une cabine téléphonique, j'appelle Bernard F. que j'aimerais tant lui montrer. Quand j'avais 9 ans, je croyais que Bernard F. était mon père. En fouillant dans le courrier de ma mère, j'avais trouvé puis volé une lettre de sa main qui commençait ainsi. « Mon chéri, j'espère que tu songes sérieusement à mettre notre Sophie en pension. » Quand il rendait visite à ma mère, je m'asseyais sur ses genoux et le regardais ému. Puis les visites de Bernard F. se sont espacées. J'ai cessé de m'asseoir sur ses genoux. On m'a beaucoup parlé de ma ressemblance avec mon père. À 12 ans, j'avais oublié cette fausse ascendance. Mon coup de téléphone le réveille. Il dit qu'il n'est pas prêt à affronter la rue. 13h20. J'arrive à mon atelier situé au numéro 36 de la rue d'Ulm, dans les anciens locaux du couvent de l'Adoration réparatrice. Court passage afin de récupérer quelques papiers. 13h30, je ressors. Je choisis de flâner dans Paris. J'emprunte la rue Soufflot, les boulevards Saint-Michel et Saint-Germain. Je prends des photographies. J'ai peur de l'avoir perdue. Depuis notre rencontre du carrefour de l'Odéon, pas une seconde je n'ai senti sa présence. Je marche au milieu des rues. Arrivé devant le numéro 34 de la rue de Seine, j'essaye de pousser la porte vitrée de la galerie Éric Fabre. Elle résiste. Un peu plus loin, devant le numéro 6 de la même rue, j'attends l'ouverture de la boutique Roger Violet, documentation photographique. J'y pénètre à 14h et demande à consulter le dossier détective privé. Je feuillette les photographies. Ils sont tous plus âgés que lui. Je suis rassurée par son jeune âge. J'achète le portrait du détective Lepage. Comme je lève les yeux, j'aperçois à travers les vitres, assis sur un banc du square d'en face, le jeune homme entrevu carrefour de l'Odéon. Désormais, je lui fais confiance. Je n'ai plus peur de le perdre. Je suis entrée dans la vie de X, détective privé. J'ai choisi son emploi du temps, ce jeudi 16 avril, de la même manière qu'il a influencé le mien. À 14h10, je reprends mon chemin. Je traverse le pont Royal et me dirige vers le musée du Louvre. À 14h20, après avoir rapidement traversé plusieurs salles, je me trouve devant l'homme aux gants du Titien. J'ai toujours aimé ce tableau. Les yeux tristes, absents, la moue de la bouche, la tête comme décapitée, posée sur un col de dentelle. Mais surtout cette ombre de moustache. 15h10, je quitte le Louvre. Dans le jardin des Tuileries, un photographe propose de me photographier avec mon propre appareil. J'accepte. 15h20, je m'assieds à une table de la buvette des Tuileries et commande une bière. Je prends plaisir à le voir également consommer au comptoir. À 16h, je quitte les Tuileries. Je traverse la place de la Concorde. Je pénètre à 16h30 au palais de la Découverte qui m'a paru de circonstance. J'ai rendez-vous avec Jacques M., dont j'aperçois au premier étage la silhouette. Nous déambulons de salle en salle. Dans l'embrasure d'une porte, il nous frôle. À 17h15, nous quittons le palais de la Découverte. J'accompagne Jacques M. jusqu'à sa voiture. Je l'embrasse, puis continue seule ma promenade. Je décide d'aller me reposer dans une salle de cinéma. Je remonte les Champs-Élysées après avoir hésité entre un film de Fassbinder, Lily Marlène et Est-ce bien raisonnable, comédie policière de Lautner. J'opte pour le premier et pénètre à 17h25 au Gaumont-Colisée. Dans la salle, je ne pense qu'à lui. Aime-t-il cette journée au but effacé, diffus, épars que je lui propose, notre journée? 30 minutes plus tard, à 18h, je quitte le cinéma. Je reprends ma route en direction du Châtelet. À 19h, j'arrive à la galerie Chantal Crouzel, 80 rue Quincampoix, où a lieu le vernissage de Gilbert and George. J'y rencontre mon père que j'entraîne dans la rue pour faire quelques pas. J'aimerais qu'il le voie, me le décrive. De retour dans la galerie, je bavarde, l'oublie un peu. À 20h, des amis m'emmènent en voiture, à une fête donnée pour Georges et pour Gilbert, dans un appartement situé au numéro 120 de l'avenue de Wagram. La nourriture est excellente, je m'amuse. À minuit, je repars dans la même voiture, en direction du palace où nous sommes invités, toujours en l'honneur de Gilbert et de Georges. Je fais plus ample connaissance avec Dan G, que j'avais déjà rencontré il y a quelques mois. À 2h du matin, un taxi nous emmène tous deux au hockey bar, Carrefour Vavin. Je mange des spaghettis, je bois du whisky. À 5h, nous reprenons un taxi pour nous rendre à son hôtel, l'hôtel Ticton. Je suis ivre et je m'endors. Avant de fermer les yeux, je pense à lui. Je demande si je lui ai plu, s'il pensera à moi demain. Le rapport du détective. Jeudi 16 avril 1981. À 10h, nous prenons la surveillance devant le domicile de la surveillée, 22 rue Liancourt, à Paris, 14e. À 10h20, la surveillée quitte le domicile. Elle est vêtue d'un imperméable gris, d'un pantalon gris et porte des chaussures noires ainsi que des bas de même couleur. En bandoulière, un sac de couleur jaune. À 10h23, la surveillée achète des jonquilles chez le fleuriste situé à l'angle des rues Froidevaux et Gassendi, puis entre dans le cimetière de Montparnasse par le numéro 5 de la rue Émile Richard. Elle dépose les fleurs sur une tombe, puis ressort du cimetière côté rue Edgar Quinet. À 10h37, la surveillée achète un journal au kiosque situé 202 boulevard Raspail. À 10h40, elle pénètre au numéro 100 boulevard Montparnasse. La surveillée ressort de l'immeuble en compagnie d'une amie âgée d'environ 27 ans, 1m67, forte corpulence, cheveux châtains longs, vêtue d'un pantalon marron clair et d'un pull noir. À 11h38, la surveillée se sépare de son amie devant le numéro 21 de la rue de Lambre et entre au salon de coiffure Jacques Guérin. À 12h08, la surveillée sort du salon, traverse le jardin du Luxembourg et semble attendre devant la station de métro Odéon. À 12h40, un homme d'environ 60 ans, 1m70, très fort, vêtu d'un costume gris, portant un chapeau gris et des lunettes de vue à grosse monture noire. L'homme embrasse la surveillée sur la joue. À 12h43, la surveillée et l'homme prennent place à la terrasse du café Le Condé au carrefour de l'Odéon. Ils consomment et discutent. La surveillée tient l'homme par le bras. À 13h02, la surveillée et l'homme se quittent. À 13h18, la surveillée téléphone à partir d'une cabine située devant le numéro 13 de la rue d'Ulm. Après cette communication téléphonique, elle entre dans la cour du numéro 26 de la rue d'Ulm, église. À 13h25, elle ressort et s'engage dans la rue de Seine. Elle s'arrête devant la galerie Chardin, située au numéro 36 de cette rue, mais la galerie est fermée. Elle revient sur ses pas et entre au numéro 8 rue de Seine, à la boutique Roger Violet, documentation photographique. Elle y reste environ 8 minutes. À 14h15, la surveillée entre au musée du Louvre et se dirige dans la salle des États et s'arrête devant le tableau du Titien, l'homme aux gants. Elle prend des notes ainsi qu'une photo. Elle reste environ une demi-heure devant le tableau. À 15h10, elle quitte le Louvre et traverse le jardin des Tuileries. Elle se fait photographier par un photographe ambulant. À 15h20, la surveillée consomme à la buvette du jardin des Tuileries et écrit. À 15h55, la surveillée quitte la buvette et se dirige vers la place de la Concorde. À 16h25, elle entre au palais de la Découverte et rencontre un homme d'environ 50 ans, 1m78, mince, portant des lunettes de vue à monture métal. Il est vêtu d'un pantalon blanc, d'une veste en toile beige et d'un chapeau gris. La surveillée et l'homme se tiennent par la main et se promènent dans le palais. À 17h10, la surveillée et l'homme quittent le palais de la Découverte et se dirigent vers la rue Franklin-Roosevelt. Ils se séparent à la hauteur du numéro 1 après s'être embrassés. L'homme s'installe alors au volant d'une Range Rover de couleur blanche, immatriculée 383-BKX-75 et démarre. À 17h25, la surveillée entre au cinéma Gaumont-Colisée, 36 avenue des Champs-Élysées pour voir le film Lily Marlène. À 19h25, la surveillée quitte le cinéma, s'engage dans la station de métro Franklin-Roosevelt et monte dans une rame en direction du pont de Sèvres. Elle change à Trocadéro, va en direction de la Nation. À 19h55, la surveillée descend à la station d'Enfer-Rochereau. À 20h, la surveillée regagne son domicile. Nous levons la surveillance. J'ai donc fait engager un détective privé pour qu'il me suive et pour tout simplement comparer son récit et sa vision de mon emploi du temps à ma version à moi, qui était forcément plus sentimentale, puisque je l'emmène dans des endroits précis qui me concernent, et avoir en face de ça la lecture plus froide de son rapport. C'était aussi un jeu, puisque j'avais moi-même suivi quelqu'un pendant un mois, enfin, une histoire avec cette filature. C'était donc pour à la fois me sentir suivi moi-même et puis regarder mon suiveur me suivant. Est-ce que vous allez en faire quelque chose? Est-ce que j'en ai fait quelque chose. C'était dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Autoportrait photographique et qui avait lieu au Centre Pompidou. Donc l'autoportrait que j'ai proposé et cette double version d'une journée. Et j'ai donc exposé le rapport du détective et les photographies prises par lui, que j'ai opposé à mon autoportrait et ma version. Vous dites à un moment dans le texte, je l'ai juste entendu, mais vous dites « j'espère que cette journée lui aura plu ». Et on sent que vous jouez avec lui, enfin vous vous préoccupez de lui. C'est-à-dire qu'au départ, il était totalement anonyme. Et puis, finalement, à la fin de cette journée, je me suis aperçue que même s'il avait été payé pour me suivre et même si tout ça a été fabriqué, personne n'avait porté une attention aussi totale à une de mes journées. Personne n'avait souhaité savoir si c'était à 10h20 ou 10h22 que j'empruntais telle ou telle rue. Et qu'il y avait là comme comme un signe amoureux, je veux dire, un signe... finalement, je m'étais attachée à lui parce qu'il me regardait tellement et m'observait tellement. C'est-à-dire un homme attentif à tous mes gestes. L'idée m'a plu et j'aurais bien voulu le garder comme ça. Bon, vous avez dit un peu vite là, mais peut-être on pourrait raconter l'histoire, l'autre histoire. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez suivi vous-même quelqu'un. J'avais l'habitude de suivre des gens une journée comme ça, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, qu'ils passent d'un lieu public à un lieu privé. Et là, je les abandonnais. Je les suivais pour les suivre, comme ça, pour voir où ils allaient. J'ai commencé à aimer cela, donc à les photographier et à noter leurs déplacements. Et un jour, j'ai suivi aux environs du bazar de l'hôtel de ville un homme d'environ 30, 40 ans, 35 ans, que j'ai perdu quelques minutes plus tard. Et par une coïncidence qui m'a frappée, il m'a été présenté le soir même. J'ai donc décidé que ce serait lui que je suivrais de manière plus organisée, plus quotidienne, plus régulière. Et donc j'ai décidé de suivre cet homme. J'ai appris au cours de la conversation qui a eu lieu donc ce soir-là qu'il partait pour Venise. Et je suis partie à Venise à sa recherche. Et l'histoire est donc le récit de cette filature qui a duré une quinzaine de jours, qui commence dans le train et se termine à la gare de Lyon au retour de Venise. Du rapport comme ça que j'ai entretenu avec cet inconnu. Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Suite vénitienne. Oui, et qui est composé donc de mon rapport à moi, de ma filature. D'une part, un rapport précis sur ses habitudes quand je tombe sur lui, ce qui n'était pas le cas tout le temps. Oui, parce que vous avez passé très longtemps à le chercher d'abord à Venise. Oui. Vous ne saviez pas à quel hôtel il était. Donc c'est le rapport aussi cette recherche. Et puis sur mes sensations, mes sentiments envers lui au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Oui, parce que le texte est double. Il y a une partie qui est en caractère romain, où là c'est comme un rapport, détective. Enfin, c'est la recherche. Les heures, les rues, les trajets. Et d'autre part, il y a des textes en italique qui viennent couper ce texte-là de temps en temps. Et là, c'est plus... Ce sont mes impressions, mes sentiments. Et là, vous dites souvent, j'ai peur. Oui, j'ai peur. J'avais peur qu'il se retourne. J'avais peur qu'il me rejette. J'avais peur mais déjà qu'il se retourne. Que quelqu'un qu'on suit se retourne et fasse volte-face, face-face. Vous dites aussi... que vous êtes comme envahie par lui. De la même manière que j'étais un petit peu émue que le détective m'observe comme ça, moi j'ai fait pour cet homme une chose que j'avais jamais fait pour personne, c'est-à-dire que j'ai vécu qu'à travers lui. Je suis allée dans les endroits où il allait, mes horaires dépendaient des siens, je me levais 2-3 heures avant lui pour être à la porte de son hôtel et être sûre de ne pas le manquer quand il sortait. Et puis ça empirait parce que au bout de quelques jours, le simple fait de savoir qu'il avait mangé des épinards et non pas des pâtes me contentait. L'information n'avait pas besoin d'être très importante. Il suffisait que j'ai quelques éléments comme ça sur sa vie pour que ça me fasse réellement plaisir, parce que c'était de l'information et que je voulais juste de l'information sur lui. Donc je me suis trouvée dans une situation qui obsessionnelle, je veux dire. Tout passait par lui, horaire, nourriture. Moi, je mangeais pas parce qu'il fallait que je sois à la porte du restaurant quand lui mangeait. Et puis je suis rentrée parce qu'il est rentré. Il y a aussi un moment où vous dites « Je dois me rappeler que je ne suis pas amoureuse de Henri B. » Oui, parce que tout ça, ce sont on pourrait les interpréter comme des signes de passion amoureuse. et puis d'une manière qui n'était pas réelle, mais à cause de tous ces signes, j'aurais pu finir par le croire moi-même que je l'aimais. J'aurais pu finir par croire que si je faisais tout ça pour lui, c'était par amour, alors que c'était par règle, par rituel et par respect de règle. Cette règle, et oui. Ensuite, pas par respect, ensuite par réelle obsession, mais à cause de la règle et pas à cause de l'amour. Et qu'en fait, je ne l'ai pas suivi, j'avais jamais suivi des gens qui me plaisaient quand je suivais des gens, parce que comme a priori, je décidais que ces gens que je suivais, je ne souhaitais pas les rencontrer, j'ai préféré suivre des gens qui a priori ne me plaisaient pas, parce que c'était moins pénible, l'idée de s'attacher tellement à quelqu'un qui en plus vous plairait, et de ne pas pouvoir le rencontrer. Et moi je trouve qu'il y a un moment formidable dans ce livre, c'est le moment où il vous démasque. Enfin, je veux dire que où il se retourne. Où il se retourne, oui. Et enfin, vous pourriez raconter ce moment-là ? Oui, c'est après. Je portais donc une. Pendant toute la durée de cette filature, je portais une perruque, puisque j'avais déjà parlé avec lui à Paris, donc il connaissait mon physique, il m'avait vu. Et donc, au cas où il découvrirait qu'il était suivi par quelqu'un, je préférais qu'il pense que c'était par une inconnue, et en tout cas pas par moi précisément. Et il s'est senti suivi, effectivement, un jour, je m'étais approchée de trop près. En général, il était accompagné d'une femme, ce qui fait que un jour, il était seul, et j'ai eu moins peur de lui seul. Et donc vous approché trop près, et puis il a remarqué qu'on le suivait, il m'a entraîné dans une sorte d'impasse, il m'a coincé, et il s'est approché et il m'a reconnu. Et ensuite on a marché et on s'est séparés. Il vous a reconnu à vos yeux ? Oui. Ce qu'il a dit. Il a dit ça ? Oui, vos yeux, je reconnais vos yeux, je pense. Et alors, il y a des. Enfin, le livre, donc, il y a ce texte, et puis il y a les photos. Les photos qui sont. Les photos de lui de dos, d'une part, quand il est devant moi. Les photos de l'hôtel, les photos de la rue, les photos des endroits qu'il traverse, et puis même les photos des gens dans le train quand je me rends à Venise, les photos. Tout ce que je croise en pensant à lui. Les photos aussi que lui-même prenait. Oui, le double de ses photos. C'est-à-dire quand il... C'est-à-dire que parfois, il avait un appareil photo en bandoulière, parfois il s'arrêtait dans un endroit précis, prenait une photo et j'essayais de me mettre dans la même position et éventuellement d'avoir la même photo, ce qui n'est pas sûr, mais... Et les photos sont là comme des preuves, enfin, comme... Est-ce que c'est important que les photos soient belles ? Non, ce n'est pas important, d'ailleurs la plupart ne le sont pas et elles sont là quand même, ou surtout peut-être... Puisqu'il ne s'agissait pas de ramener un album photographique, il s'agissait de suivre cet homme. Mais la plupart du temps, en tout cas, toutes celles qui concernent la filature n'ont aucun intérêt. C'est lui de dos, c'est flou, c'est... Mais enfin, c'est lui. Il y a peut-être... Oui, enfin, voilà. Quoi ? Non, je voulais dire qu'il y a peut-être même une erreur dans le sens où il y a quelques jolies photos... qui sont pas indispensables par rapport au cours du récit, c'est-à-dire des photos de cimetière, parce que je vais dans un cimetière en pensant à lui, et que je les ai mis peut-être parce que je les trouvais jolies, mais alors qu'elles n'avaient pas vraiment leur place. Alors, dans le cas de Henri B., vous avez suivi sa trace. Il y a un autre livre après, qui du reste aurait pu s'appeler aussi « Suite vénitienne », à vrai dire. J'avais pensé à l'appeler « Suite vénitienne » au pluriel. Oui. En fait, cet autre livre s'appelle « Hôtel ». L'hôtel. L'hôtel, je suis retournée à Venise. En fait, je n'étais jamais allée à Venise avant qu'Henri B. ne m'y entraîne. Et quand j'étais là, j'ai passé beaucoup de temps à l'attendre devant son hôtel. Et une fois, je suis même entrée dans cet hôtel un jour, et j'ai pu jeter un coup d'œil comme ça sur une chambre. Et j'ai eu l'idée... Tout d'un coup, cette valise ouverte, un lit défait, ça m'a frappée. Et j'ai eu l'idée de réaliser un travail, qui est le suivant, c'est-à-dire de me faire engager comme femme de chambre dans un hôtel, et d'essayer d'imaginer, enfin de photographier donc ce que je trouverais dans les chambres, et d'essayer d'imaginer à travers les objets épars, avec travers les, ce que les gens emmènent en voyage avec eux, qui étaient ces gens, rentrer comme ça un petit peu dans leur vie à travers ces détails. Donc j'ai proposé ma candidature comme femme de chambre dans divers hôtels vénitiens. Et puis, je suis revenue plusieurs fois à Venise, en continuant à me proposer. J'ai fini par être engagée, au bout de plus d'un an d'attente, dans un hôtel vénitien, comme femme de chambre, pour un remplacement d'un mois. Et alors ? Et alors donc, j'ai fait la femme de chambre, et en même temps, j'avais un appareil photographique caché dans mon seau, et un petit magnétophone. J'ai donc noté, de la même manière, le plus précisément possible, tout ce que je voyais dans les chambres, que ce soit les lits défaits, les vêtements emportés en voyage, la manière dont la chambre était arrangée ou dérangée, les produits de beauté, et puis au fur et à mesure, en prenant de l'assurance, éventuellement le courrier, les papiers personnels. Et au début, je me suis contentée de regarder ce qui se voyait, et ensuite j'ai éventuellement fouillé pour en savoir plus sur certains d'entre eux qui m'intéressaient plus à travers le premier regard circulaire. Enfin, il y a un moment où ça ne me suffisait plus de savoir qu'il portait un pyjama bleu, des pantoufles et qu'il se parfumait avec tel eau de toilette. Donc j'ai voulu savoir ce qu'il faisait avant, après. Et voilà. Lire éventuellement, pour ceux qui en tenaient à leur journal, pour savoir ce qu'ils pensaient au moment même. Moi, j'étais dans leur chambre, ce qu'ils faisaient dans Venise. Et... À qui est-ce que vous vous êtes attachée ? J'aimais bien le client de la chambre 30 qui est venu, c'est une histoire triste, qui est venu avec la chemise de nuit de sa femme. Pour 2 ans après, il est venu seul. Il était visible qu'il s'agissait d'un homme à travers... ce qu'on peut voir dans la chambre, il n'y avait qu'un lit occupé. Et il y avait posée sur une chaise à côté du lit une très très belle chemise de nuit en soie repassée, qui visiblement n'avait pas été portée. Et en ouvrant son tiroir, je me suis aperçue que cet homme était venu accompagné cette fois d'une femme, 2 ans avant, jour pour jour, dans la même chambre. Donc il revenait comme ça, comme un rituel, 2 ans plus tard. Oui, on peut tout imaginer, là. Avec une chemise de nuit de femme, oui. J'aimais bien aussi le client, le jeune client de la chambre 25 qui tenait un journal de bord où il ne parlait que de sa nourriture et où il décrit tous les jours tout ce qu'il a mangé, qu'il a acheté des pommes, qu'il les a mis sur le rebord de la fenêtre, qu'après sa douche, il a mangé son deuxième quartier de pommes, qu'après il est allé dans tel restaurant, qu'il a mangé des spaghettis, la sauce n'était pas bonne, et qu'il y en a comme ça pendant des pages. Et il y a juste une remarque à la fin, le dernier jour, qui est la seule remarque qui ne concerne pas la nourriture, qui est « Je suis allée boire une grappa sur la place Saint-Marc, nous partons demain. Un garçon a essayé de me draguer, je crois que je vais faire un cauchemar à cause de ça cette nuit. » J'aimais bien lui. Enfin, j'en aimais d'autres. Comme qui ? Tous, je les aimais bien, enfin... Il y en a que vous n'aimez pas. Oui, il y en a que j'aime pas. Alors, je vois, il y en a dont je sais que vous ne les aimez pas. Me dites, par exemple. Il y avait un couple que j'aimais pas, chambre 24. Ça, oui. Très conventionnel. Oui, ils sont restés très très longtemps et je ne supporterais plus de rentrer dans cette chambre. Je m'y ennuyais et en même temps, elle faisait partie des chambres qui m'étaient attribuées. Donc, j'y rentrais, puis j'ai essayé aussi dans ce travail de voir l'évolution des gens quand ils sont restés longtemps, comment peu à peu ils occupaient, ou au contraire, n'occupaient pas la chambre. Et donc ceux-là sont restés très longtemps. Donc Il n'y avait papa, maman et les enfants dans cette chambre. Non, il n'y avait pas d'enfants. Non. Ah, dans la chambre 24, il n'y avait pas d'enfants. Ah non, je me trompe. Oui. Non, c'était un capitaine au long cours. Et... Ah oui. Il me semble que c'est ça. Alors, une autre chose, c'est que dans toutes ces expériences, ou ces... Oui, on appelle ça comme ça, il y a quand même du danger, toujours. Dans celle-ci, précisément, il n'y a pas... Enfin, j'en ai fait où il y avait du danger, je trouve. Mais du risque, cette... enfin. Il n'y avait pas un danger mortel, là, mais les gens pouvaient entrer, vous pouviez être surprise en train de photographier. Oui, enfin, ça fait, d'une part, ce n'est pas vraiment un gros danger. Il fait partie de l'histoire, c'est peut-être ça qui m'aide à... Je veux dire, la peur que l'homme se retourne quand je le suis fait partie de l'histoire. Pour pouvoir raconter cette histoire, il faut que j'ai l'impression qu'elle... il faut que réellement elle me touche. Sinon, j'aurais rien à dire. Enfin, si on estime que, c'est, que je dis quelque chose. Mais je fais ça pour éprouver des sensations. L'idée d'être vue, c'est ça le danger, en fait, c'est d'être vue. M'aide à rentrer dans l'histoire, donc à éprouver des sentiments, donc à pouvoir les décrire par la suite. Et donc pénétrer dans l'histoire et la vivre comme ça, plus intensément ou plus de manière plus personnelle, réellement la subir. Parce que je fais aussi ce type d'histoire, je l'ai fait sûrement pour les montrer ou pour faire des livres, des choses comme ça. Je l'ai fait aussi pour éprouver des émotions comme ça, contrôlables. C'est-à-dire que je peux avec ce type d'histoire décider que du lundi 17 au, à telle date, je vais avoir des émotions fortes. Puisque pour moi, elles sont aussi... elles sont source d'émotions. Et à la fois, je peux décider aussi quand ça s'arrête. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres émotions qu'on ne provoque pas, enfin, qu'on subit, et c'est tout. Tandis que là, je rentre dans ces histoires, j'aime bien le moment où ça se passe, je suis émue, j'ai peur... pour moi, elles sont vivantes. Et en plus de tout ça, je peux décider quand ça s'arrête. Enfin, jusqu'à présent, j'ai pu décider. Pourquoi ? Parce que vous imaginez... Peut-être qu'un jour, j'entrerai dedans et je pourrai pas décider. Je resterai attachée au sujet. Ou je pourrai pas ensuite, subitement, me détacher de l'histoire. Ce qui n'est pas encore arrivé. Sophie Kahl, Suite vénitienne, 1983. L'Hôtel, 1984. Édition de l'Étoile, Cahier du cinéma. Sophie Kahl, filature pour l'atelier de création radiophonique, a été diffusée pour la première fois le 24 juin 1984. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.